en el cielo alto. Chuca la Brondario de Chile a Bélgica con Chalí mi barrio. Vivo entre medio de marginales vecindarios, no le temo a la calle. Hay los que me reconocen, son traficantes con un flightes. No soy un rapero cuico detestable. Si fuera rico no me colgaría del TV cable. Con respetos para los que hacen algo por el movimiento, yo acepto. Socios que hacen grandes eventos y dan bulan piola por el pavimento. Ey, grafitero, DJ, breaker, MCs. Con desempeño se logra ser muy bueno, así se gana el respeto. Si tú no respetas, yo no te respeto. Ya, yeah, sí, yo no te respeto. Ya, yeah, hablando de las vivencias de la calle. Esto es Darío con la tuve. Me dis pas qui tu es, sur pied je suis un habitué. Je viens tuer, redoué, vite avec la bouée. Juste un combattant qui a survécu au fouet. Le système arnaque, je le ferai avouer. J'étais voué à l'échec, je ferai de mes échecs une bouée. Mon rap c'est pas un jouet, c'est une prière. Ma filière est critère, il me poursuit pas des lycées. Comme ceux qui bossent dans les rizières. J'en place une spéciale pour tous ceux qui croient pas en nous. Je fais du ring avec le chili, pendant que tu râles en douce. Un soir tu t'étoufferas avec ton donut. Tu comprendras comme un clic à percer, vrai percer sans jamais jouer les tonus. Hold up mental, pas de rime lamentable. Amanda et Samantha pénètrent ton mental comme des prostituées verbales. Les doigts regroupés forment une patate. LMC doué dans les bacs, ça choque du vrai. La chronique comme une bombe sur Bagdad. Ça fera peut-être pas le facteur de la NBC. Mais le constat il est là, y'a pas que la haine qui règne ici. Yo MC Nate, dicho no te están pero una mierda. AKA ácido sacando chispa de tu cara con mi puño. La colaboración es más que una entretención. Bélgica en la conexión, Santiago Chile. No hacemos Remy, LMC y la Due. Yo sé que my life no is light. Deambulo in the night for life. Pienso pura mierda que reciclo, no hojas pocas. Rescato y no termino ataco. Me siento chato, fumo demasiado tabaco. Inhalo poco, apoyo de mentira. He sentido casos importantes. Sueno en estéreo y sonaré hasta parar en el cementerio. Ahora LMC y la Due hacen rap que fluye, yo. Rap que fluye, yo. Rap et moi ça fait 9 ans, le vent, les sujets vous passez perdu d'avance. Avance, rime avec éloquence, élégance et préférence. Balance des vibes dansantes autant que qu'on soit consent. Certains vont détester ce qu'on soit content. Posé sur ce track avec des gars qui nous séparent. Des milliers de kilomètres à battre, nous pourtant proches par le rap. Et représente la musica del mundo dentro de tu casa y calle. Ça y est, c'est chaud dans les cœurs, pourtant je paye, oui, je fais cahier. J'ai rangé mon cahier pour une salopette, mon big pour un guitar. Niquer les courses en capote, sans tête, je voulais foutre la zic en scène. Escoute jamais, discute pas mes perros ou une perro. Un chèque qui m'a au cou, un point, c'est pas permis. Permis du France, au Spanish, panique international, connecting. J'ai des belles chips, t'as vu l'équipe, le flow Belgique. LMC, la douée, partout, et écoutez, j'avouerai que pour percer, jamais je n'aurais sucé. Excusez-moi encore d'avoir exécuté, décuplé mon talent depuis le street CD. La palabra es la única arma con la que yo lucho. Disparan y disparan y yo esquivo otro cartucho. Si tienes algo contra mí, vente que te escucho. Ahora me toca hablar, imagina narrar en singular. Lanzo mi monólogo, para ti soy tu psicólogo. Escucha lo que coloco, eres genio loco. Mi poder invoco, el micrófono toco. Mallorca iluminada por un simple foco. Tu rap sabe a poco, ve a tu colega y dile que esta mierda suena desde España hasta Chile. Es tu condena, nena, mi rap no frena y se llena tu vena. Es fraño en la cena, por el camino haciendo eses. Esta mierda sí que te estremece. Ando por este sendero, hip hop recorre el mundo entero. Estate alerta, mi disparo acierta. La brecha está abierta, rap sin más. Y rimas y rimas y demás, y quemas, te quemas. Yo escupo flemas en mis temas. Ok, fue Franjo Maestro, el gran escritor diestro. Bélgica, España, Chile. LMC, click à doué, uni autour d'un même beat. Envoie le snare et les kicks. Une fois de basse sur lequel je pose un CSP. 6 MC se réunissent pour qu'on fait les s'extirpe. De la masse, ma team amasse les titres. Mais pas les succès, vu que c'est plus ardu que la quête de Lorenzo Lamas. Mon rap charti, sonce comme un famas. Entre les mains d'un adjardin, ça sort de droit. Ton imagination, MC, t'as la masse. Remets-toi à la bonne pagination. Tous unis pour l'hymne à ma nation. LMC la doué, en featuring, continuation. Trap, bling, bling, sans fond. Le but, la feuille et le flow technique comme seule munition. Pour le ring, donc applique-toi mieux à la construction de ta musique. Tu cherches le hic pendant qu'uni, comme la clique du lit. On s'adonne à notre passion, passant, rappelons aux passants que chez nous rapper n'est pas qu'une passade, encore moins une façade. Face à cette vie à peine passable. Parce que ton film no es un film, no se ría que no es un chiste. Sacándote la flor de nuestros hombres, de tu mote, de tu mater como Totter. Mantén, no se queda atrás sin antes tirar su payasada conectando. Chile, Bélgica, junto a España nos buscamos. La maldita fama, si después de ganar con nada nos subamos en jarana. Nuestros temas son tan buenos que ni pasamos por la aduana. No como otros que tienen que morder la almohada. Verás tus comentarios, solo es el reflejo de tu mente estancada. Son mezcla de talento, es el mismo rap de fuego que conecta al mundo entero. Franjo, LMC y la Due, haciendo rap conexión internacional.